Un vrai créole de Paris, Madame Marneffe abhorrait la peine. Elle avait la nonchalance des chattes qui ne courent et ne s'élancent que forcées par la nécessité. Pour elle, la vie devait être tout plaisir, et le plaisir devait être sans difficulté. Elle aimait les fleurs, pourvu qu'on les lui fît venir chez elle. Elle ne concevait pas une partie de spectacle sans une bonne loge toute à elle et une voiture pour s'y rendre. Ses goûts de courtisane, Valérie les tenait de sa mère, comblée par le général Montcornet pendant les séjours qu'il faisait à Paris, et qui, pendant 20 ans, avait vu tout le monde à ses pieds, qui, gaspilleuse, avait tout dissipé, tout mangé dans cette vie luxueuse, dont le programme est perdu depuis la chute de Napoléon. Les grands de l'Empire ont égalé, dans leur folie, les grands seigneurs d'autrefois. Sous la Restauration, la noblesse s'est toujours souvenue d'avoir été battue et volée. Aussi, mettant à part 2 ou 3 exceptions, est-elle devenue économe, sage, prévoyante, enfin bourgeoise et sans grandeur. Depuis, 1830 a consommé l'œuvre de 1793. En France, désormais, on aura de grands noms, mais plus de grandes maisons, à moins de changements politiques difficiles à prévoir. Tout y prend le cachet de la personnalité, la fortune des plus sages et viagères. On y a détruit la famille.